Pourquoi l'extrême droite célébrait les sœurs latines à l'époque de Mussolini? Pendant l'entre-deux-guerres, Mussolini tenta de convaincre les historiens français de l'Antiquité d'œuvrer au rapprochement entre les deux sœurs latines, face à une germanité servant de repoussoir, du moins jusqu'au rapprochement de l'axe Rome-Berlin. La Méditerranée fut présentée à ce moment-là comme le ciment de la latinité et le lieu où les deux peuples français et italiens pouvaient se rencontrer et fraterniser. Un certain nombre d'universitaires jouèrent un rôle important pour cautionner ce type de discours. Ce fut le cas d'Albert Grenier, spécialiste de la Gaule romaine, et d'Eugène Albertini, auteur d'un manuel intitulé « L'Empire romain » paru dans la célèbre collection « Peuple et civilisation ». Certains d'entre eux, comme Léon Homo, professeur d'histoire romaine à l'Université de Lyon, furent même reçus par le Duce en personne. Mais le cas le plus significatif est celui de Jérôme Carcopino. Ce professeur d'histoire romaine à la Sorbonne avait publié en 1934 un article dans la revue Italie Voyage dans lequel il mettait en relief des points de comparaison entre la Rome antique et la Rome fasciste, ce qui allait dans le sens de la propagande mussolinienne. On comprend pourquoi sa nomination à la direction de l'École française de Rome en juin 1937 fut bien accueillie par les autorités italiennes. Contraint de rentrer en France après la déclaration de guerre de l'Italie, Jérôme Carcopino, sans doute servi par ses complaisances à l'égard du régime fasciste, fut nommé par le maréchal Pétain secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la jeunesse en février 1941. Il entreprit alors une réorganisation de l'enseignement scolaire visant à détruire le processus de démocratisation de l'école et le projet d'école unique initié quelques années plus tôt par le Front populaire. Le but étant de renforcer le principe d'une école à deux vitesses en abaissant notamment l'âge de la scolarité obligatoire et en supprimant la gratuité de l'enseignement secondaire. Dans le même temps, Carcopino appliqua les lois du régime de Vichy, excluant les juifs et les francs-maçons des fonctions publiques. À la Libération, il mit en avant les efforts qu'il avait faits pour que quelques universitaires juifs soient épargnés par ces mesures. Il fut néanmoins démis de ses fonctions en raison de ses activités au service de Vichy, avant d'être réintégré dans la fonction publique en 1951. Il faut néanmoins préciser que d'autres historiens de l'Antiquité refusèrent énergiquement toute forme de complicité avec le régime fasciste. Ce fut le cas de Henri Irénée Marou, membre de l'École française de Rome entre 1930 et 1937. Sous les pseudonymes de François Kellar et d'André Davenson, il publia des articles très critiques à l'égard du régime mussolinien sur le fascisme et la femme en juin 1936 et sur le racisme en Italie fasciste en septembre 1938. Ces divergences au sein de la communauté des historiens apparurent au grand jour pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que Carcopino s'engagea dans la collaboration, Marou, nommé professeur à l'Université de Lyon, se tourna vers la résistance.